Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio Coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, Paysans, les 4 saisons, une série de Julie Navarre, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a l'inévitable salon de l'agriculture, des images de films, un peu de nostalgie et l'envie que l'on a parfois, quand on habite en ville, de vivre au grand air. Il y a aussi de la curiosité pour ce qui est un mode de vie, plus qu'un métier, et qui reste encore calqué sur le rythme des saisons. Et de la fascination aussi, pour ces hommes et ces femmes soumis à l'engrenage d'une activité qui ne tolère pas le repos. Et puis il y a l'idée de comprendre comment peut fonctionner la cohabitation dans une entreprise familiale, comment on hérite ou comment on refuse d'hériter, des gestes, des terres, des murs et de la condition de ses parents, et comment désormais on s'invente agriculteur. Alors pour commencer, les personnages. Des enfants qui veulent devenir agriculteurs et d'autres qui ne le veulent pas, des grands-parents qui ont connu le monde d'avant les tracteurs, des parents qui ont grandi avec la mécanisation, des agriculteurs retraités, des éleveurs et une maraîchère. Ensuite, le décor. Des enfances à la ferme, des champs où les céréales n'ont pas encore levé, des haies, des étables, des corps de ferme, des cris d'enfants, des marchés, des adolescents qui travaillent avec leurs parents, et puis des poules et des vaches. Aujourd'hui, premier épisode, on est dans le Perche et on se fait une cabane. Là, c'est le lit de Clémence, on a mis des patates. Racontez-nous votre cabane. La cabane, il y a des boules de paille. En fait, il y en a une, après deux, après trois. En fait, on monte dessus. En dessous, il y a un gros tas de patates qui fait peut-être de gros tracteurs. On monte sur les boules de paille et après, on saute sur les patates. Et c'est amusant. C'est plutôt sympa de vivre dans une ferme. Oui. Bah, en fait, les gens qui travaillent à l'intérieur dans des bureaux, tout ça, eux, ils ont un petit jardin, donc ils s'amusent pas trop. Donc l'avantage de voir une ferme, c'est qu'on peut aller partout. Il y a un grand espace. Et là, on est où alors? En Normandie, à la ferme. La ferme de qui? Notre père. Donc c'est un peu chez vous aussi. Bah oui. Alors emmenez-nous voir les petits veaux. Paysans, les 4 saisons. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. L'enfance. Bah évidemment, j'en ai de bons souvenirs. Grandir à la ferme. Mes deux parents étaient sur la ferme. Mon père plutôt au travail et puis ma mère restait à la maison. Donc on avait toujours une présence. C'était bien. Donc je m'appelle Emmanuel Gauthier, donc j'ai 30 ans, donc je suis marié avec Lucie et nous avons eu une petite fille au mois d'avril là récemment, donc un peu plus d'activité à la maison. Non mais c'est vrai que la vie à la ferme, oui c'est idyllique quoi, c'est magique. J'aimais bien être dehors, donc il y avait plein d'endroits à explorer. J'ai 3 frères et une sœur, donc il y avait de la vie, on pouvait facilement s'amuser. L'été, quand le maïs en silage était consommé, on pouvait faire un petit terrain de tennis sur la plateforme de béton, du vélo, pas mal de vélo. Nos parents nous laissaient pas mal faire un petit tour sur les petites routes, donc il n'y avait pas beaucoup de circulation. Donc là, nous... On est dans les veaux, les plus jeunes. Dans la ferme, c'est quoi votre activité préférée, chacun votre tour? C'est d'aller faire des champs avec mon père, avec les tracteurs et parfois conduire sur ses genoux. J'ai 7 ans et je m'appelle Clémence. Moi, je préfère faire le yaourt et le beurre avec mes parents. Je m'appelle Mathilde et j'ai 12 ans. Moi, je préfère faire le bétail ou alors aller dans les champs pour la culture. Je m'appelle Alexandre, j'ai 9 ans et demi. Est-ce qu'il y en a que tu préfères des petits veaux? Lui. Toi aussi, c'est ton préféré? Oui. Moi aussi. Bah, on veut le caresser, donc c'est pratique. Vous leur donnez des noms? Non. Et il y en a que vous avez vu naître ou pas? Oui, beaucoup. Vous avez vu beaucoup de vélage? Oui. Parce que quand ils vêlent, ils sont juste à côté de la maison. Parfois, il y a papa, il les fait à la main. Ou alors, c'est eux qui les font tout seuls. Ça vous fait quoi quand il y a un petit veau? dessiner? De la joie. Et aussi de la peur. Parce qu'on n'a pas envie qu'ils meurent. Mais en fait, les veaux, on les met pas avec les vaches parce qu'après, les veaux, ils prennent tout le lait des vaches. Et après, nous, on en a plus. Donc, c'est nous qui fabriquons le lait pour les veaux. Sachant qu'on avait des bâtiments pour jouer, de l'espace et qu'on était 4 garçons et une fille, quand on avait besoin de faire du foot, on montait notre propre équipe de foot. Avec les autres jeunes de Poivillers, on n'était pas très nombreux, mais on avait des chevaux. On allait se promener dans les champs, dans les bois, même si un peu plus loin et qu'on en bosse, il n'y a pas beaucoup de bois, mais à côté, il y a quand même des bois. Donc, pour moi, la ferme, ça a toujours été un espace de jeu. Donc, je m'appelle Rodolphe Bourgeot. J'ai toujours vécu dans la ferme où j'habite maintenant. Depuis que j'ai des souvenirs, lorsqu'on revenait de l'école, on allait voir papa et puis les ouvriers à l'atelier en plein hiver, parce qu'ils étaient souvent à l'atelier. Ils étaient ravis de venir voir les ouvriers agricoles et discuter avec eux. Il y a toujours une bonne histoire à raconter. Pour les enfants, c'est formidable, quoi. Maintenant, évidemment, il n'y a plus personne, donc il n'y a plus rien à raconter. J'ai la photo de la ferme, là, avec les ouvriers de mon grand-père. Donc, il est mort en 1930, lui, mon grand-père. Là, il y avait une quinzaine de personnes, quoi. Avec un fumier qui prenait 80% de la cour, là. Parce qu'il y avait beaucoup de moutons, de chevaux, forcément, pour tirer les charrues, enfin, tout ce qu'il y avait à traîner. Les fermes du type de vos parents dans oui, bien. Que... Oui, on avait un niveau de vie très... Même au 19e siècle, ces fermes de Beauce vivaient bien. Ma femme avait un oncle, il passait au moins 3 mois à être aux 5-6 jours par semaine à la chasse. Hein. Et j'avais une, je crois que c'est une arrière-grand-mère qui avait une loge au Châtelet à l'année. Je suppose qu'elle couchait là-bas parce qu'à l'époque, il n'a pas été évident de revenir. Non, le niveau de vie était confortable, on va dire, à l'époque. Ça a eu payé, comme disait Fernand. Non. Moi, je suis né en 49. Alors, je suis Marc Bourgeot. Eh ben, j'ai 67 ans, ma foi. Alors, on est donc à 7 km de Chartres. Mes enfants ont rasé un bâtiment qu'il y avait là-bas, où il y a le petit jardin maintenant, pour faire une entrée pour leur gîte. J'ai trouvé ça à la fois normal et un peu dommage, parce que ça faisait la vraie ferme de Beauce, bien carrée, avec des bâtiments tout autour. Ça avait une double utilité. D'abord, vous avez vu, le vent ici, c'est énorme. Et en plus, ça permettait une relative défense. Quoi. C'était pas un château fort, exagérons rien. Mais il y a eu quand même la bande d'Orgères, je sais pas si vous avez entendu parler, qui a sévi là au moment de la Révolution jusqu'à l'époque napoléonienne. Et dans le coin, il y a eu des fermes seules qui se sont fait attaquer. Et bon, c'était quand même un petit avantage, quoi. Mon père était agriculteur. Mon père avait fait la guerre en 1914. Au départ, la ferme a appartenu en location à mon grand-père. Donc moi, je suis la troisième génération qu'ils l'ont exploité. Je m'appelle Philippe. Je suis natif du Pays de Caux. Je dors toujours dans la maison où je suis né. Ça fait 80 ans. C'est-à-dire que c'était en 1936. J'y ai passé toute mon enfance. Une enfance heureuse, oui et non, parce que en 39, c'était la déclaration de guerre, comme tout le monde le sait. Et j'ai vécu ma jeunesse avec des Allemands plein la cour, un château à proximité qui était plein d'Allemands. Et je suis allé à l'école en galoche. Il y avait 2 kilomètres, on faisait la route à pied, il n'était pas question de prendre la voiture, il n'y en avait pas. Et on usait beaucoup les galoches. Alors le soir, les parents me remettaient des fers ou des petits bouts de caoutchouc pour ne pas user trop les bois parce que c'était la crise. Vraiment les souvenirs, oui, je me souviens de la tranchée qui avait été faite dans la cour pour nous abriter en fait. Et ça, je la verrai toute ma vie, hein. C'est marqué ça. Hein. Mais il y avait eu 42 bombes dans la cour. On était obligés de partir, il n'y avait plus de toit à la maison. Et on avait été réfugiés chez d'autres fermiers. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Mis à part que l'autre fermier, il disait toujours que j'avais peur des cochons. J'étais petite et ça m'effrayait. Quoi, en fait, à l'époque, j'avais, je ne sais pas, moi, 3 ou 4 ans. Ouais. Je m'appelle Denise. Je suis née en 1941. Vous êtes née dans quelle région ? Normandie. Les Allemands avaient réquisitionné presque tous les bâtiments. Il y avait énormément de chevaux. Ils réquisitionnaient l'avoine, les foins. Toutes les semaines, il y avait un camion qui passait au village et on était soumis à mettre un certain poids de beurre à ce qu'on appelait la réquisition à l'époque. Quand même, vous arriviez à vous nourrir, malgré tout. Oh ben, dans une ferme, c'est facile d'élever des lapins, des poules, des pommes de terre, des carottes, des légumes. Moi, je peux dire que j'ai jamais souffert de la faim pendant la guerre, disons. Mais par contre, on avait tous les gens du Havre qui montaient à bicyclette ou à pied et qui pleuraient, ne serait-ce que quelques pommes de terre ou quelques légumes, alors on faisait ce qu'on pouvait, mais c'était pas facile, parce que d'un côté il y avait les Allemands qui tiraient, et puis de l'autre côté il y avait ces gens qu'on aurait voulu combler, et c'était pas facile du tout. Ils réquisitionnaient tout, je me souviens, mon père disait, mais mes chevaux, ben, je peux pas leur donner d'avoine, j'en ai pas. Alors comme il était une bonne carrure et assez audacieux, le midi, pendant qu'ils étaient partis manger, il éventrait un sac d'avoine, il lâchait un cheval, puis il en prenait un sac pour lui. Pour arriver à nourrir ses chevaux, parce que c'était le mode de traction, il n'y avait pas de tracteur. Donc j'ai mon enfance, je l'ai connue, les Allemands, les réfugiés, les Anglais. Et puis après, bah, c'était la grande joie pour tout le monde. Vous aviez quel âge du coup, la libération ? J'avais 8 ans. C'était sûrement une période difficile, hein ? Maman, elle était seule pendant, elle a été seule pendant une période dans sa ferme. Mmh. Oui, les femmes étaient seules. Hein. C'était difficile de faire marcher une ferme. Des employés, il n'y avait pas trop non plus. Il y en avait qui étaient partis. Hein. Je me demande si je me souviens pas de quelque chose un peu, mais je ne suis pas trop sûr. Hein. Mmh. Peut-être des récits. Peut-être plutôt. Hein. Il y avait des prisons de guerre chez mon oncle et ma tante. Et puis ici aussi, on a eu des petits enfants juifs qui ont été hébergés chez mes parents. D'ailleurs, mes parents ont été reconnus comme justes. Un titre posthume, oui. Ben, je suis Jean-Claude Chaussé. Je suis né le 31 décembre 1943 à Saint-Fulgent-des-Ormes, au lieu dit les Champs-Romais. Je suis le troisième enfant d'une famille de quatre. Et mon père était né ici aussi, et puis son père également. Il y a mes grands-parents qui vivent sur la ferme, donc une maison là. Nous, on vit dans une maison à côté, là, 1 kilomètre. Après, j'ai mon oncle et ma tante qui habitent dans une maison, ben, on la voit là-bas, dans la colline, là-bas, la maison jaune. Et encore une autre tante qui vit sur 5 hommes. Donc on habite à un périmètre de 2-3 kilomètres de la ferme. La ferme est située à proximité de Mamers, à la frontière de l'Orne et de la Sarthe. Donc on est à 2 heures de Paris. Et on est dans le Perche. Moi, c'est Paul Boutier, j'ai 17 ans. La ferme de mon enfance, bah, c'était plein d'animaux. Donc maintenant, on est 7 petits-enfants, mais on était 5 petits-enfants. Donc le week-end, on était toujours ensemble. C'était des repas le midi ensemble, c'était la vie de famille. Hein. J'étais souvent avec mon grand-père quand j'étais petit, je me rappelle. Bah, j'accompagnais dans tout ce qu'il pouvait faire, donc... Je me rappelle, je montais en tracteur avec pour emmener des cochons à l'abattoir à Chérancé. Le trajet durait 2 heures et puis je m'endormais au bout du premier quart d'heure. Et du coup, ma mère, elle me donnait toujours un oreiller quand je partais en tracteur. Moi, je fais les pédales et le volant. Et parfois, il y a mon père, il se met sur le petit siège. Et moi, je conduis le d'autres tracteurs parfois. Mais il faut que quelqu'un me surveille. Nous, on demandait qu'à aider. Hein. Emmanuel Gauthier. On voulait se rendre utile. Hein. Puis on voulait conduire le tracteur, donc ça commence sur les genoux de papa, et puis bah, petit à petit, on fait quelques mètres avec papa à côté du siège, et puis bah, voilà, on apprend. C'est ma machine, la préférée de Clémence. On est fiers, quoi. Ou aider papa à la traite, ne serait-ce que de laver les mamelles, ou on était contents, quoi. C'est sûr, moi je vois encore mon frère aîné conduire les tracteurs à la moisson, mon autre frère qui était plus l'activité traite. Et puis bah moi, j'allais un peu partout. Là, on est dans les vaches. Et on a aussi un taureau plus grand. Pollux. Le collègue, il fait. C'est comme un petit manège, ça va tourner. On prend un petit tuyau, on le met sur la mamelle et après ça aspire le lait et après ça va dans les crèmeuses. On le garde au frais pour en faire des produits. Bah, l'autre lait, on le met en bouteille pour le vendre après. Dès qu'elles sont finies de traire, elles se reculent toutes seules et elles repartent pour aller manger. On prend un tarup pour couper l'herbe, parce que l'herbe coupée, après avec le beurre, il est plus jaune et c'est meilleur. C'est quelque chose que vous aimez bien, ça, les vaches ? Oui. Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans la ferme ? Je suis en cinquième, puis il y a beaucoup de devoirs. Et par exemple, le week-end, oui, je peux aller à la ferme, mais le soir, souvent, je peux pas trop. J'ai jamais eu vraiment l'impression d'aider à la ferme. La seule chose qui m'a marqué, c'est quand il fallait ramasser les pierres dans les champs. Rodolphe Bourgeot. Dans mon souvenir, ça a duré une éternité. Je pense qu'en y réfléchissant, pendant les vacances de Pâques, on y passait soit le matin, soit l'après-midi pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on allait avec des fourches dans les champs, on ramassait des pierres sur le sol et puis on les mettait dans une remorque ou dans une bennette. Voilà. Quand on y était, c'était des bons souvenirs parce qu'il y avait une bonne ambiance. Mais quand on est adolescent, on a envie de faire autre chose que d'aller ramasser des pierres dans les champs, très clairement. Après, on était plutôt... Ma mère nous punissait en nous interdisant d'aller au champ. Quand on n'avait pas des bonnes notes ou quand on avait fait une bêtise, dans ces cas-là, on n'avait pas le droit d'aller sur le tracteur à la moisson ou il fallait qu'on fasse nos devoirs de vacances avant d'aller dans les champs. Donc c'était plutôt été dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'était à ce moment-là, une enfance dans une ferme par rapport à d'autres enfants ? C'était plus une enfance dans un village que dans une ferme. Marc Bourgeot. J'avais plein de copains, forcément. Alors moi, j'étais à l'école à Chartres. Ça, c'était quand même une petite différence avec les autres enfants qui étaient à l'école ici. Mais pendant toutes les vacances, on jouait. Enfin, je jouais avec tous les enfants du village, quoi. Tous les jeudis et puis toutes les vacances, quoi. Et vos activités d'enfance, c'était quoi ? Comme tous les enfants, le cache-cache dans une ferme. Pour ça, cache-cache, c'est génial, hein. Il y a de quoi faire. Je sautais également, je me souviens de ça. Les moutons étaient tondus tous les ans. Ils faisaient des espèces de ballots avec la laine, ce qui me paraissait une montagne. Alors, je montais, je vous montrerai tout à l'heure, il y avait, dans l'autre bâtiment à côté, il y a des étages. Donc, je sautais là-dessus, c'était follement drôle. Par contre, après, ça sentait atrocement mauvais parce que c'est de la laine brute, quoi. Donc, ça sent le mouton, c'est une horreur. Et je me souviens de me faire engueuler par ma mère parce que ça sentait atrocement mauvais. On arrivait quand même à jouer un petit peu à la cachette du père, hein. On n'avait pas le droit de jouer. On fallait toujours travailler, c'est quoi pareil. Le matin, avant de partir à l'école, il fallait qu'on ait pêché les pommes de terre. Comme s'il fallait qu'on mange les pommes de terre tous les jours à cette époque-là. Maman allait traire ses vaches, mon père allait faire je ne sais pas quoi, et puis moi j'ai pêché les pommes de terre. Mes frères allumaient le feu. Et puis après ça, il faut prendre le petit déjeuner, on part à l'école. Dépêchez-vous vite que vous serez à l'école. Ah, c'était pas la même vie que maintenant, naturellement. Ah ben non. Je me présente, je m'appelle Bernadette, j'ai 77 ans. La ferme était toute petite et on était six enfants, très peu d'argent. Maman très malheureuse. Il fallait qu'elle cache les allocations parce que mon père prenait les allocations pour aller faire la fête. Voilà. Vous aviez combien de vaches sur la ferme ? Deux, trois, une chèvre et voilà. Hein. Un petit peu de culture, c'est tout. Hein. C'était vraiment petit. Et la vie n'a pas toujours été brillante, hein, mais comme on disait, agriculteur, c'était toujours un petit peu manque d'argent. Enfin bon, on faisait avec ce que l'on avait, voilà. Et puis bon, ben moi j'ai eu une jeunesse qui n'a vraiment pas été trop agréable, parce que vous savez, j'avais des parents qui étaient très durs. Un père très dur, une mère très gentille et tout, mais bon, c'était comme ça. Il fallait garder les vaches à partir de 4-5 ans. Tout seul, loin de la maison, pleurer. Et on emmenait du travail avec nous, raccommoder les chaussettes. Mais maman était tellement bonne personne. Elle raccommodait des chaussettes qu'elle mettait dans le fond de mon sac pour faire voir que j'avais raccommodé des chaussettes en gardant les vaches. Moi, c'est Marie-Claire, j'ai 68 ans, je suis née en 48. Moi, j'ai passé mon enfance un peu comme toi. Je suis allée à l'école à Saint-Fulgent-des-Ormes, l'école communale. J'allais avec mon petit vélo à l'école à Vaunoise. Ah, parfois, papa m'emmenait avec la carriole et le cheval quand même. Nous aussi, c'était comme ça, surtout quand il y avait les inondations. Vous avez aidé aussi à la ferme, papa ? Non, pas vraiment. Vous a laissé aller à l'école, oui, étudier. C'est ça. Oui, oui, oui. votre enfance pour vous. Oui. Oui, tu étais une enfant un peu gâtée quand même. Oui, certainement, oui. Vous participiez ? Ah bah oui. Dès l'enfance ? Ah bah sûrement. Nourrir les animaux dans les pâtures, oui, je participais, oui. Je pensais que ça avait une valeur, notre travail, faire la nourriture, je pensais que c'était une valeur. C'était, je pense que c'était ça, c'est mon moteur, moi. Je sais pas si c'est encore une valeur qui existe. Le monde paysan n'était pas trop valorisé, il l'est pas encore beaucoup. Hein, c'est... Non, je crois pas. C'était par rapport à l'idée que je me faisais du... Du travail fourni. Oui. Mais plus tard, ça, pas enfant, si, dès l'enfance. Ah, si, mais bien sûr que si. On avait un sens critique quand même. Je comprenais bien le sens de ce qu'on nous apprenait à l'école. Hein. Je voyais bien que l'instituteur, il véhiculait pas exactement les mêmes idées qu'il y avait chez nous. Hein. On était différents. On avait des centres d'intérêt différents. Le sens, de, je veux dire, du bien commun. C'était un peu politisé. Ça m'intéressait, la politique. Mon père était maire, mon grand-père aussi, mais c'est pas ça qui est... Non, j'avais un sens, ce sens-là. L'intérêt. J'avais l'intérêt. Hein, mais t'as toujours été... J'étais un peu particulier, qu'a dit mon épouse. Mais c'est sûrement vrai. Ouais. Comment tu dis ? Ben non, tu étais comme ça. Je sais que tu écoutais les informations avant d'aller à l'école le matin. Oui. Bah, tous les petits-enfants n'écoutent pas les informations, forcément. Hein, mais bon, il y avait France. À l'époque, j'avais écouté les radios. La radio, c'était Europe numéro 1. 2,5 km. On partait de bonne heure. Et puis, soir, il faut revenir. Pas le premier trop tard, parce que le père respectait. Il savait très bien que l'école terminait à telle heure, qu'en arrivant à l'école, vous savez, à cette époque-là, on enlevait notre blouse de l'école, on en mettait une autre vieille, on allait dans les champs. On allait arracher l'herbe et tout ce qu'il fallait faire. Les leçons, on ne les faisait pas, on n'avait pas le droit. On n'apprenait pas les leçons, on ne faisait pas les devoirs. Et pourtant, j'étais capable de les faire, mais bon, c'était comme ça. Parce que mon père disait toujours que lui, il n'a jamais été à l'école, pourquoi qu'on aurait continué l'école ? Voilà. C'est faire les boîtes à œufs avec ma mère et prendre les œufs et les mettre en carton. Il y a une machine, les œufs. En fait, là, c'est le poulailler. Et les œufs, quand les poulies naissent, quand ils font les œufs, et ben, en fait, ma mère, elle les récupère. Et eux qui ne sont pas bons, ben, elle les met à la poubelle parce qu'ils sont sales et elle ne peut pas les laver. Et vu qu'il y en a très beaucoup... Et en fait, les œufs, ils prennent par une machine, c'est le truc qui est là, et le tapis. Après, ils atterrissent sur un truc roulant pour après les mettre en alvéole, et après, on fait des boîtes pour les magasins. Eh bien, il y en a beaucoup des œufs. Nos parents, ils ont dit qu'en moyenne, tous les jours, ils ramassaient 3 000 œufs. Un œuf par poule. C'est des poules de plein air. On rentre les poules parce qu'après après les 8 heures, le renard, il vient et il mange. Et en fait, ma mère, vers les 5 heures, elle ouvre la lumière et les poules, ça les attire. Et comme ça, après, ils vont dans le local. En fait, la nuit, on laisse une lumière ouverte parce qu'après, s'il fait nuit, bah, les poules, ils ont peur. Donc, ils se montent dessus. Après, il y a des morts. Elle est grande comment, la ferme de tes parents ? On a 90 vaches, 3400 poules, 4 biquettes, un âne et un chien. Elle fait le bruit, elle vient, les pieds. Surtout, elle est trop bien. J'entends ça. Dans quel type de ferme vous avez grandi ? Dans une ferme d'élevage. Denise. Chez mes parents, c'était une petite exploitation. Ils avaient une trentaine d'hectares. On était 7 enfants. On n'était pas gâtés. Et puis, on se débrouillait par nous-mêmes, en fait. Hein. Et j'ai laissé l'école à 13 ans et demi. Donc, le lendemain, On était au travail. Et c'était quoi vos activités alors à 13 ans et demi? Dès que vous avez commencé, qu'est-ce que vous faisiez à la ferme? À la ferme, on allait, à l'époque, on faisait encore beaucoup de travaux manuels. Au printemps, on binait les betteraves. Après, on allait au chardon, dans les récoltes. Et puis à l'automne, on ramassait les pommes de terre, les pommes. On faisait les confitures pour l'hiver. Et l'après-midi, quand il y avait un petit peu de creux, on faisait des longes pour les bestiaux, pour pouvoir attacher les bêtes à l'étable. Et puis entre-temps, on faisait un peu de couture à la maison. Mais on ne laissait jamais rien faire. Tous les jours, travail. Vous n'avez pas de souvenirs tellement de jeux avec vos frères et sœurs ou de loisirs? Le dimanche, oui, on jouait aux cartes avec les parents, les frères et sœurs. Mais autrement, on n'avait pas de loisirs à côté. Avant 14 ans déjà, vous travailliez? On faisait des petits travaux à la moisson. Philippe. On nous faisait travailler, on travaillait très jeune. Hein. Comme dans cette grange qui est du 17e quand même. On rentrait toutes les gerbes, jusqu'en haut, tout en haut. On était deux ou trois superposés pour pousser les gerbes jusqu'en haut. Et l'hiver, on battait à la machine. Donc c'était une batteuse qui venait. Pour battre 100 quintaux de blé, il y était la journée avec 10 hommes. Descendre les gerbes, les mettre sur la machine, un engrenneur qui coupait les cordes, un gars qui enlevait les sacs de blé, la paille derrière, tout ça. J'ai passé mon certificat d'études et le lendemain, on m'a envoyé traire les vaches. C'était la méthode à l'époque. À 14 ans, je me vois encore hercé avec 4 chevaux, un derrière l'autre, et puis le bâton. Puis on marchait toute la journée dans la plaine à hercer, à travailler les champs. Quoi. Dans la ferme, les garçons, oui, ils allaient plus facilement en plaine. Les animaux et tout ça, ça touchait presque plus les filles. Ah oui, on avait la traite à la main. Et en plus, les herbages étaient loin de la maison. J'allais souvent en bicyclette. Avant les parents, j'arrivais sur le terrain et j'attachais déjà les vaches au fil pour la traite, quoi. Et vous avez donc toujours fait les marchés du départ, vous avez fait les marchés. Vous les faisiez déjà avec vos parents? Oui, tout le monde faisait le beurre. Donc à 10 ans, on avait déjà, maman vendait un bout de marché, et nous, on avait déjà un petit panier et on vendait un peu plus loin. Et les gens, parfois, faire plaisir à un gamin, ils achetaient aussi bien qu'aux parents, même si c'était le même. Moi, je m'appelle Patricia, je suis originaire de la Sarthe et je suis maraîchère dans ce département. J'ai 52 ans. Mes parents étaient aussi agriculteurs, mais mes parents étaient exploitants agricoles en production laitière et animale. Un peu de culture, mes parents avaient une ferme de 50 hectares, donc c'était quand même une grande ferme à cette époque-là, un petit peu. Mais moi, je n'avais pas eu la même vie que mon mari, c'est-à-dire que j'habitais dans le Sud-Sarthe. Et on avait une vie heureuse, nous, chez nos parents, à part aider au foin, traire les vaches de temps en temps. Et tous les gens de mon âge dans la région ne travaillaient pas, ou alors faisaient des petits contrats de cornichons pour se faire un petit peu d'argent de poche, mais non. Moi, j'ai eu une enfance heureuse et... Moi, je sortais pas beaucoup, j'étais quelqu'un qui était casanière, donc mon crochet, mon canevas le dimanche, ma télé, c'était ma vie, ça, ma musique, parce que j'étais musicienne, et on avait une vie presque comme tout le monde, à part les vacances. On aime bien aller au marché avec ma mère. Samedi? Oui, parce que le jeudi et le vendredi, on a de l'école. Parce qu'en fait, on a chacun nos préférés jours. En fait, pendant les vacances, Clémence, qui a 6 ans, c'est plutôt le jeudi. Moi, c'est plutôt le vendredi. Et ma grande sœur Mathilde, qui a 12 ans, elle préfère plutôt le samedi. Chacun son marché. Oui. On aime bien servir les clients et puis ils sont sympas, dit comme ça. Et vu qu'ils sont sympas avec nous, ils nous donnent à chaque fois des petites pièces. Donc c'est amusant. Et toi, tu aimes bien aider ta maman à faire la crème, le beurre, oui, les yaourts? Oui, moi souvent je percule ou des trucs comme ça parce que parfois elle me demande si je peux l'aider parce qu'elle a beaucoup de travail. Et puis souvent quand les salariés sont pas là, c'est pendant les vacances, donc on a le temps, on n'a pas l'école le lendemain ou juste comme ça. Ça te plaît ça? Oui, j'aime bien. Moi, pour faire moins de boulot à mon père et à ma mère, je tonds la pelouse avec un tracteur tondeuse. Je m'appelle Nathan Moni, j'ai 14 ans. Je veux devenir agriculteur plus tard. Père et agriculteur. Tes grands-parents sont toujours vivants ? Oui, oui. Ils sont à la retraite ? Oui. Et t'en parles avec eux de ça ? Leur époque, comment c'était ? Comment ils travaillaient ? Leurs souvenirs ? Oui, j'en ai déjà parlé avec eux, comme leur ferme était sur l'endroit où ils habitent. Et puis du coup, j'ai déjà posé des questions pour savoir comment est organisée la ferme. Ils m'ont montré des photos, voilà. Et c'était comment l'époque de tes grands-parents ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Déjà, les deux, ma grand-mère et mon grand-père, travaillaient dans la ferme. Du coup, c'était pas pareil, parce qu'ils avaient aussi un élevage de lapins. Il y avait un peu de vaches laitières, il y avait du céréal, il y avait un peu de tout dans la ferme, du coup. Et t'avais l'impression que c'était très différent, leur manière de vivre et de travailler ? C'est pas pareil aussi quand on vit, je pense, dans la ferme ou quand on habite à côté. Ils ont tout le temps un peu la tête du cou dans le travail, comme c'est l'endroit où ils vivent aussi, alors ça doit pas être... Il y avait beaucoup moins de machines et beaucoup moins de tracteurs, tout le matériel. En 1950, on a marché un petit peu avec les chevaux. Enfin, il y avait du personnel à l'époque. Il y avait d'abord le charretier, celui qui conduisait les chevaux. Philippe. Il y avait celui qu'on appelait l'homme de cour, c'est-à-dire qui faisait tout l'approvisionnement des écuries. Il y avait un vacher qui s'occupait des vaches. Puis il y avait le commis, l'apprenti. Mais le commis, c'était pas le plus heureux, parce que tout le monde lui tirait dessus. Hein. C'était pas toujours évident pour lui, quoi. Il y avait une ambiance qu'on n'a plus maintenant, quoi. Et il y avait quatre ouvriers, il y avait une bonne à la maison. On nourrissait tout le monde. L'alimentation comptait beaucoup, la paye comptait, mais moins que maintenant. Mais par contre, quand on était bien nourri, c'était une référence... Et ils disaient, là, on est bien nourris, alors ils trouvaient facilement du personnel. Et comme il y a une ferme qui est pas loin, le midi, parce qu'à midi sonnant, ils rentraient manger. À midi 25, tout le monde sortait. Et ils faisaient la sieste, plus ou moins, sur le tas de foin dans l'écurie. Et à une époque, je me souviens, avec la ferme d'à côté, le midi, ils tapaient la belote sur le coffre à avoine. Ils étaient là autour, et puis jusqu'à 1h25, ils tapaient la belote. Ils étaient logés ici aussi, sur place ? On en couchait, certains, mais couchaient. C'était des lits qui étaient dans l'écurie, hein, crochés au plafond. Ils étaient blanchis, on leur donnait les draps, on leur donnait tout, mais les lits étaient quand même... Il n'y avait pas de dortoir à l'époque. Hein. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez, vous, enfant, ici, qu'est-ce que vous voyez autour ? En termes d'activité, en termes de matériel, en termes d'ambiance ? Alors l'ambiance était très différente, parce que là, vous voyez, il y a zéro personne. Marc Bourgeot. Il y a mon fils qui va arriver tout à l'heure. Il utilise presque la moitié d'un salarié de son frère. Alors que moi, quand j'étais enfant, il y avait 5 ou 6 ouvriers ici. J'ai connu 2 bergers. Il y en a un très vieux il était très vieux pour moi, qui était très consciencieux, très berger, quoi. C'est-à-dire qu'il était vraiment autonome dans son coin, il ne s'occupait pas du tout du reste de la ferme. Puis après, il y en a un autre, ça a été le déclin, là, vraiment, de l'élevage. Et lui, il était... alcoolique quand même, donc j'adorais aller le voir parce que c'était rigolo. Alors il avait ce qu'on appelle une cabane vraiment à l'ancienne, hein, c'est-à-dire 3 roues, juste un lit couvert, quoi, en fait, c'était ni plus ni moins ça. Et les chiens qui dormaient dessous. Et puis après, mon père a trouvé que c'était un peu spartiate. Il a donc fait construire par les ouvriers de la ferme, parce qu'il est vrai qu'ils avaient du temps quand même, une cabane avec de la laine de verre déjà à l'intérieur. Il pouvait se maintenir debout, ce qui était quand même un luxe. Et il avait une petite table et un lit, et puis, je sais pas, peut-être un mètre carré pour se déplacer, quoi, à l'intérieur. Autrefois, c'était donc les chevaux qui emmenaient la cabane dans les champs, et puis après, le berger déplaçait la cabane. À la fin, ça se faisait entraîner par un tracteur, c'était moins poétique. Mais beaucoup plus efficace. Au niveau de la taille de la ferme, elle est plutôt belle, c'est plutôt une grande ferme. Les associés et mon père ont plusieurs enfants, mais je suis le seul intéressé qui aime bien venir pour le plaisir. Et, voilà. Et ça te faisait quoi, tout petit, d'être au milieu des adultes ? J'étais un peu fier aussi, parce que j'étais dans le seul, et puis j'allais peut-être pouvoir reprendre cette exploitation. Maintenant, à chaque vacances, j'essaie d'y aller un peu pour aider à ma façon. Maintenant que j'ai 14 ans, tout ça, pour conduire, j'ai le droit. Enfin voilà, des fois, je vais dans les champs pour labourer. Et qu'est-ce que tu aimes le plus ? La moisson surtout, que je préfère. Ah, ça, c'est un bon souvenir. À la moisson, donc le blé, on le mettait dans des remorques, déjà, comme maintenant. Maintenant, bah, y a du blé, point final. Autrefois, il y avait une quantité d'insectes. Ça grouillait sur le dessus. On adorait ça quand on était enfant, parce qu'il y avait toute une variété de sauterelles, de... Enfin, je me souviens plutôt des petites bestioles. Bon, c'était pas terrible pour la conservation, hein, mais... Quand on est enfant, c'est très drôle. C'était une enfance plutôt joyeuse dans les fermes. Ah, c'était très joyeux, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Vos parents, vous partagez un petit peu leurs difficultés ou leurs moments où... Oui, ah bah bien sûr, ouais, c'est normal. Mais je pense que les artisans, ça doit être pareil. Hein, quand ils ont des problèmes, je suppose qu'ils en parlent aussi à table. Ouais, je me souviens en 61 qu'avait été une année particulièrement sèche. Il n'y avait pas l'irrigation, donc c'est désolant. Tous les efforts de l'année sont contrariés, quoi. Je m'appelle Rose, j'habite à Saint-Honoré, j'ai 13 ans, je suis en 4e et on habite avec ma famille dans la région de Dieppe. Je m'appelle Solange, j'ai 11 ans, je suis en 6e et j'habite en Seine-Maritime. Je trouve qu'on a quand même une bonne ferme, on a des vaches, des poules, quelques chèvres, des lapins. C'est quoi les activités dans une ferme pour deux jeunes filles qui ont grandi là? Ben moi je fais beaucoup de vélo dedans. Parfois, papa et maman ils nous disent de pailler. Moi, j'escalade les arbres, je grimpe sur les boules, je m'occupe des animaux, des fois, et je joue avec eux. Vous jouiez beaucoup, petite, dans la ferme, toutes les deux? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. On faisait de la cuisine, on faisait notre maison. Dans les bâtiments? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? D'avoir des animaux. Parce qu'à la ville, ils n'ont pas d'animaux. Être tranquille, enfin, pas avoir la pollution, les choses comme ça. Habiter à la campagne, bah, c'est bien. Moi, c'est le vélo. Il n'y a pas d'inconvénient pour vous, une chose? C'est quand on s'attache à des animaux, mais qui meurent, qui vont à la boucherie ou des choses comme ça. Ça, c'est triste. Des fois, on est invité chez des gens, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a des vaches qui vont veiller ou des choses comme ça. Parfois, les parents, le soir, ils sont pas trop là ou on n'a fait pas souvent de sorties, mais... Si, on en fait quand même. On en fait quand même, mais... Puis le matin, ils se lèvent très tôt. Le mardi et le vendredi, mon père, il se lève à 4h. Et le reste des jours, c'est 5h. Tous les jours, ils ne sont pas là le soir. Enfin, ils reviennent, mais c'est surtout ma mère qui peut en donner à manger. Et notre père, il finit un peu plus tard. On mange pas ensemble parce que bah nous le lendemain on a de l'école et puis il faut se coucher plus tôt que nos parents. Mais le vendredi soir, samedi, et ben en fait on a nos plats. Le vendredi soir on mange faritas et le samedi soir on mange hamburger avec nuggets. C'est notre père qui les fait. Là on est plus heureux parce qu'il y a toute la famille réunie et on mange tous ensemble donc c'est mieux. J'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère et ma nourrice. Les souvenirs, j'en ai pas tellement. C'est vrai que j'étais beaucoup avec ma sœur, mais avec mes parents, j'ai jamais vraiment passé de vacances, les jours fériés, les week-ends, on connaît pas chez nous. Ça va être quelques heures passées par-ci par-là, mais ça va pas être des vacances de 15 jours comme certains enfants peuvent connaître, ou un jour férié, par exemple le 1er mai, mes parents qui disent on travaille pas, ça je connais pas. Bah, je dirais pas que j'ai passé plus de temps avec mamie et tata, mais un peu quand même. Je m'appelle Lucille, j'ai 19 ans et je suis à la fac de droit au Mans et j'habite en Sarthe chez mes parents. Bah, mes parents sont maraîchers, donc c'est ni une grande ferme ni une petite ferme, c'est une moyenne ferme. Bah, j'ai jamais vraiment travaillé à l'exploitation, j'ai fait quelques marchés parce que mes parents voulaient que je découvre le commerce, que j'apprenne à rendre la monnaie manuellement. Sur l'exploitation même, j'ai fait quelques petits boulots, mais... vraiment rien de très grand. J'ai trié les haricots, cueilli quelques fois des tomates. Et vous aimiez ça? Oui, mais j'en ferai pas mon métier. Je ne veux pas reproduire la vie que mes parents ont eue. Je sais le mal qu'ils ont eu pour travailler. Donc, les conditions de travail, la vie de famille, c'est vraiment un choix de vie qui n'est pas évident à faire et je sais que je le ferai pas. J'étais plus partie sur la magistrature, maintenant... À voir. Ce sera pas l'agriculture. Vous aviez des idées d'un métier que vous voudriez faire plus tard? Non. Je ne cherchais même pas parce que je savais très bien qu'il fallait qu'on aille travailler en campagne et puis voilà. On n'avait pas à dire on va aller à l'école pour être quoi que ce soit. Non, pas question. Nous, on était soumis, en fait. On n'avait rien à dire. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'à l'époque où on était, c'était presque un déshonneur de placer un enfant dans un commerce, alors que pour nous, ça aurait pu être une source d'apprentissage autre que de faire toujours des travaux qu'on connaissait de tous les jours. Et moi, c'est ce que j'aurais vraiment aimé faire, en fait. Et d'ailleurs, j'avais dit à un moment, j'ai dit, mais enfin, pourquoi tu veux absolument D'accord, j'ai une sœur qui se marie, mais on n'a pas besoin de tant de monde à la maison. Mais ben, les parents n'ont pas cédé. Hein. Vous auriez aimé aller dans quel type de commerce? Moi, j'aurais bien aimé un commerce comme la boulangerie, même la charcuterie, hein, ça m'aurait plu. Hein. Ou alors, si j'avais dit à un moment, si vraiment tu veux pas que j'aille dans un commerce, m'aimez-moi. On allait à la couturière à l'époque. J'ai dit, m'aimez-moi chez cette dame. J'apprendrai au moins quelque chose d'autre. Rien à faire. C'est dur. Hein. Je suis allée à l'école jusqu'à 14 ans. Hein. Oui, puis après ça, j'avais été à l'école ménagère. À cette époque-là, c'était 3 années d'école ménagère. On apprenait à faire la cuisine, apprenait à coudre, à tricoter, tout ça. Puis voilà, puis après, bon, je suis partie travailler en campagne, comme boniche, comme on pourrait dire. Eh bien, je suis tombée dans une ferme, vraiment une personne très gentille. J'étais vue comme la fille de la maison. J'étais vraiment heureuse, plus heureuse que chez mes parents, parce que mon père, il ne voulait pas tellement bien me voir. Et voilà. Parce qu'ils ont quitté la ferme dans les années, je ne sais plus, moi, peut-être 50 à peu près. Donc, maman, elle était laver le linge chez les gens, vous vous rendez compte. Chez les bonnes gens, elle allait travailler, elle allait à genoux toute la journée, elle avait dans les lavoirs. Puis mon père avait travaillé chez Renault, lui. Puis les enfants se sont en allés, se sont mariés, ils sont partis les uns les autres. Et voilà. C'est à cette époque-là qu'on a eu un peu la révolution de l'agriculture. Les tracteurs sont arrivés. Alors je me souviens du premier tracteur de mon père, c'était un Lance. Les tracteurs à boule chaude qu'on chauffait le matin pour démarrer. Alors c'était pas de la grosse puissance, mais c'était déjà une révolution pour nous. Prenot est arrivé sur le Havre. Il nous a pris tous nos bons ouvriers, parce que c'était des gars qui avaient une formation d'agriculture, mais c'était des bosseurs. Donc Renault, toute cette main-d'œuvre l'a intéressé. Et c'est là qu'on a eu toute l'évolution de l'agriculture. Des fermes qui avaient 4-5 ouvriers, on s'est retrouvés tout seuls ou à un. C'était vraiment un changement. J'ai fait des cours post-scolaires. Jean-Claude Chausset. Et puis je suis allé passer une année à l'école d'hiver qu'on appelait à l'époque assez. C'était un peu loin, on y allait en mobylette, il faisait froid. Mes sœurs, elles avaient fait l'école ménagère, elles s'investissaient là-dedans. Et il y avait une personne qui venait chez nous aussi pour faire la lessive. Et puis de temps à autre, il y avait une couturière qui faisait l'entretien du linge. La ferme, c'était cette ferme-ci, elle faisait à l'époque à 70 hectares. Et il y avait une trentaine de vaches. On avait l'abreuvement des vaches, c'était à la mare, je crois bien. Hormis dans le bâtiment nouveau de 58, il y avait des abreuvoirs. C'était un petit peu différent, mais enfin mes parents exploitaient avec 2 employés. Donc moi j'étais souvent avec maman. Je lui aidais à faire un petit peu les travaux d'astreinte. On nourrissait les vaches, on trayait les vaches, on soignait les veaux. Hein, c'était ça. Alors ma mère s'occupait de la maison exclusivement jusqu'à ce que mon père ait un AVC très grave. Il est resté aphasique. Donc c'est elle qui, de 63 à 72, a géré toute la ferme. Marc Bourgeot. Mon père était maire à l'époque, donc comme les gens sont originaux, ils ont mis ma mère maire à sa place. Ce qui fait que ça lui a fait un boulot important, alors qu'elle n'y était pas préparée, quoi. Elle a été courageuse, elle a assumé tout ça, plus l'éducation de ses 3 enfants. C'était en 63, j'avais 14 ans. Est-ce que ça vous a obligé de vous impliquer un peu plus aussi? Non. Non. Elle avait un très bon salarié qui faisait contremaître. Pour le coup, il est devenu vraiment contremaître. Hein. Non, ils ont fait ça tous les deux. Quoi. Lui, il s'occupait de l'organisation pratique dans les champs, puis elle s'occupait de toute la partie administrative, commerciale, etc. Quoi. Non, il y avait du personnel. Bon, il faut reconnaître que le personnel, à l'époque, coûtait pas cher. Hein. Donc il pouvait y avoir plein de personnel. Et au fur et à mesure que le personnel a coûté plus cher et que la mécanisation a augmenté, il y a eu de moins en moins d'employés. Quoi. Et à quel moment vous avez le souvenir d'avoir commencé à mettre à travailler un peu... Oui. 13-14 ans, c'était surtout le, à l'époque c'était le jeudi, hein, c'est pas le mercredi comme maintenant. Et je me souviens d'avoir aidé à préparer le terrain pour le maïs, quoi. Soit rouler, enfin des choses simples bien entendu quand on a 14 ans. Je trouvais ça plus sympa que d'apprendre mes leçons. Quand j'ai commencé les tracteurs, ça faisait 20 à 40 chevaux. Quoi. Quand on avait labouré un hectare dans l'après-midi, c'était bien. Quoi. Maintenant, ils labourent, je sais pas, 25 hectares par jour à peu près. On peut même écouter France Culture là-dedans. Donc là, on quitte la ferme et on va dans une parcelle de maïs donc on a battu il y a 15 jours. Paul Boutier. Et on va labourer pour pouvoir semer du blé dans 2 ou 3 jours. 12-13 ans, je commence à labourer. Ben maintenant, c'est devenu un jeu d'enfant parce que depuis le temps, on commence à se faire un petit peu au travail, ben au labour. Au départ, j'avais un peu chaud, quoi, parce que c'était un petit peu dur, mais c'est en faisant qu'on apprend et donc là, c'est déjà plus facile qu'avant. Parfois on tournait dans les bouts de champ et la charrue elle tournait pas ou le fossé parfois il était un peu près. Voilà. Avoir un engin comme ça entre les mains, faut quand même faire attention et bon, quand on est jeune parfois on se rend pas trop compte des risques et donc parfois on se fait un peu peur. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut être vigilant et donc on essaie de faire attention. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est plus grand, plus de maturité et on a plus de facilité quand même à conduire. L'ensemble, il doit peut-être faire 7-8 tonnes, avec le tracteur et la charrue compris. Bon, c'est pas excessivement lourd, mais il y a d'autres choses qui sont plus lourdes, comme les transports de paille l'été, avec des plateaux qui font 12-13 mètres. Et donc ça fait un ensemble long sur la route, il faut faire attention. Je suis scolarisé au lycée agricole de Rouillon. Je suis en terminale S. Et donc ce que j'aime, c'est le métier de mes parents, c'est l'agriculture. Donc je m'appelle Sylvain. Là on est dans le Perche à Saint-Jean-de-la-Forêt. J'ai 34 ans. Donc moi j'ai grandi à Paris jusqu'à l'âge de 13 ans. Mes parents sont séparés, mon père est venu vivre à la campagne et il était directeur artistique dans la presse. Et avec sa nouvelle compagne, ils ont monté un élevage de chevaux, donc ils étaient double actifs, puis un élevage de moutons. Et moi j'ai fait ma sixième donc à Paris et je suis venu là en cinquième au petit collège de Bellem. Au début c'était un peu compliqué, hein, j'étais un petit parisien, un peu snob certainement, pour je m'imaginais qu'il y avait des ploucs à la campagne. Et par contre, à partir de la seconde, je suis allé en lycée agricole. Moi, je voulais pas devenir paysan, puisque mon père, je l'ai vu devenir paysan et bosser comme un ouf du jour au lendemain. Quoi. Bon, certainement dans la presse, il bossait beaucoup, mais avoir un rythme, en étant double actif, en se levant très tôt pour aller soigner les bêtes, puis aller à l'agence, puis le soir s'occuper des enfants, puis retourner devant l'ordi, finir les mises en page qu'il avait plus le temps de faire. Donc pour moi, ça me semblait être un sacerdoce, quoi. Là où j'avais pas pris la mesure, je pense que c'était l'autonomie qu'on a dans son travail. Pareil, il avait acheté une ferme qu'il a fallu un peu retaper. Il y avait des aménagements à faire pour faire des box, puis après faire une bergerie. Donc il y avait toujours un peu de boulot. Et puis finalement, ça me plaisait bien. C'est un côté thérapeutique, je pense, moi, qui était à Paris. J'ai suivi mon père parce que ma mère n'arrivait plus à m'élever. C'était trop compliqué. Je devenais une petite frappe, quoi. Je piquais dans les magasins. J'étais pas le même garçon, quoi. Donc ouais, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de venir à la campagne, voilà. Moi, quand je serai grand, je vais essayer de reprendre la ferme de mon père. Au moins. Et il ne va pas la donner à un inconnu. Et si tes sœurs, elles veulent aussi reprendre ? Vous allez non, faire comment ? Non, ils ne veulent pas. T'es sûre ? Oui. Moi, quand je vais être grande, soit je vais faire maîtresse, soit je vais faire coiffeuse. Moi, j'aimerais bien être sage-femme. Donc, on a chacun nous l'idée. Tu l'as déjà fait belle, hein? Bah, je leur ai aidé, je lui ai demandé. Solange. J'aimerais bien le faire. Toi, oui, et pourquoi alors? Bah, parce que j'aime bien les animaux. Et toi, Rose? Non, moi, je me vois plus pas vétérinaire, mais s'occuper des chiens, ou être dans un refuge ou des zoos, ou être militaire. En tout cas, les animaux, ça t'intéresse? Oui. J'ai 9 ans et je m'appelle Victor. Et toi? Raphaël. J'ai 8 ans. Quand vous serez grand, est-ce que vous avez envie de travailler dans une ferme ou vous savez pas? Toi, non? Parce que j'ai envie d'être boulanger. C'est un beau projet aussi. Ou dessinateur. Et toi, Raphaël, t'aurais envie de travailler dans une ferme plus tard? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans le métier? Conduire des tracteurs. Même si j'ai jamais fait. Bah, t'es trop petit. Depuis tout petit, je suis dedans, donc... Enfin, c'est toujours au rythme des saisons que je vis, la moisson, tout ça. J'envisage faire en fait un bac plus 5 en ingénieur agronome. Et donc au travers de cette formation, il y a beaucoup de stages et puis on voit beaucoup beaucoup de choses. Je pense que je serai là plus tard, mais après je ne sais pas comment je vais évoluer. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus ou qui t'attire dans cet univers ou ce travail? On voit comment on sème, tout ça, et puis après on voit vraiment la plante qui évolue. Et c'est vraiment ça, le contact avec la matière vivante que j'aime. Et puis voir l'aboutissement de notre travail ici. On a vraiment tout de A à Z, on voit ce qu'on produit. Parce qu'on part des céréales qu'on cultive dans les champs jusqu'à la production des animaux. Et après, la vente à la ferme. On voit vraiment de A à Z de ce qu'on produit. Et voir l'aboutissement de notre travail, c'est ce qui me pousse à aimer ce métier. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une saison que tu préfères ? Bah, l'été, c'est parce qu'on est en vacances. Ça me permet d'être souvent à la ferme. Mais l'hiver, j'aime bien aussi quand il y a tous les animaux qui sont à la ferme et qu'on passe du temps avec les animaux. Ça, c'est ce que j'aime bien. L'hiver, je préfère quand même, je pense, que l'été. Normalement, je devrais répondre l'été parce que je suis en vacances et il fait bon. Mais c'est vrai que c'est l'hiver parce que mes parents travaillent le Mans en hiver, donc je les vois plus souvent. Puis en plus, des fois, il y a le changement d'heure. Donc, quand on gagne une heure, mon papa rentre plus tôt, des fois. Ça dépend. Moi, je préfère forcément l'été, à la moisson, tout ça. Puis même tout ce qui se passe avant et puis ce qui se passe après, l'entretien. Tout. L'automne. L'hiver. C'est l'été, parce que l'été, par exemple, tu peux aller à la plage. L'été, on peut découvrir plein de trucs. Moi, j'ai deux saisons préférées, c'est l'été et l'automne. Parce que moi, j'aime pas quand il fait trop froid et trop chaud. Je préfère quand il fait froid et chaud. Quand il fait froid, et bien, souvent il pleut. Et moi, j'aime pas trop ça. Et quand il fait trop chaud, j'aime pas aussi ça. Donc, je préfère quand il fait froid et chaud. Moi, ma saison préférée, c'est l'été. Parce que il fait chaud et puis il pleut pas. Et moi, j'aime pas trop quand il pleut. Par contre, en hiver, moi, j'aime pas l'hiver parce que parfois il neige et nos parents, parfois, ils mettent beaucoup plus de temps à faire les choses quand il neige pour tout enlever. Du coup, ils reviennent plus tard le soir ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien l'été parce qu'il y a moins de boue et je peux plus faire du vélo. Moi, j'ai une préférence pour l'hiver. Quand il y a de la neige, c'est bien parce qu'on est en terrain en descente pour faire de la luge. Et j'aime bien le printemps quand les feuilles repoussent, quand les animaux sortent de leur hibernation. Merci à Mathilde, Alexandre et Clémence, Rose et Solange, Victor et Raphaël, Nathan, Paul Boutier et Lucie. Merci aussi à Emmanuel Gauthier, Sylvain, Patricia, Rodolphe Bourgeot, Marc Bourgeot, Marie-Claire et Jean-Claude Chausset, Bernadette, Philippe et Denise. Un documentaire de Julie Navarre, mixé par Alain Joubert, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Des sansonnets, c'est des sansonnets. Des étourneaux sansonnets, c'est ça. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous installer, bibliographie, lien, nous podcaster pour les labours ou nous réécouter pour la moisson, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.